إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 40 dans les cours de Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et on lit l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan, et on est arrivé aujourd'hui, comme j'ai dit hier à la fin du cours, au chapitre 11, al-Bab al-Hadi Ashar, باب لا يسبح لله بمكان يسبح فيه لغير الله. C'est un chapitre qui parle du fait qu'on n'a pas le droit de sacrifier pour Allah dans un endroit où les gens sacrifiaient pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Soit par exemple un endroit où les gens adoraient pour, sacrifiaient pour leurs idoles ou pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de faire un sacrifice d'un animal à cet endroit-là, même si on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyibun, inshallah. Donc on commence. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce chapitre, il a mentionné un verset de Coran et un hadith. Et il a mentionné un verset de Coran qui est vraiment petit, hein. En fait, il a mentionné un bout ou une partie du verset qui dit « La taqum fihi abada » c'est-à-dire ne te tiens jamais, ou tu ne devras jamais te tenir dans cette mosquée, ou rester dans cette mosquée. Donc, « La taqum fihi abada » ça c'est le verset 108 dans Surat al-Tawbah. Et il a mentionné un hadith عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فقال لا فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Ok, donc ça c'est les deux choses qui ont été mentionnées dans ce chapitre. Donc c'est un chapitre qui est relativement court, mais quand même il y a des choses vraiment importantes et intéressantes à ce sujet-là. Mais avant de commencer, on va revenir sur des points de qu'est-ce qu'on a parlé dans le chapitre dernier que j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Al-Qawl al-Mufid fi Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wassabi al-Yamani, un des shuyukhs du Yémen. Et il a ramené des détails au sujet de qu'est-ce qui est shirk, qu'est-ce qui est permis en ce qui concerne al-dhabaih, en ce qui concerne les choses qu'on a sacrifiées comme animal. Et il donne des exemples. Donc, c'est très bénéfique d'après moi de les mentionner, inshallah. Donc, il dit que al-dhabaih al-mashru'a, il mentionne les différentes formes de dhabaih qui sont permis légalement dans la charia. Premièrement, al-dhahaya. Al-dhahaya, c'est-à-dire les sacrifices comme par exemple al-udhiya, quand c'est Eid al-Adha, on sacrifie des moutons, des vaches ou des animaux selon la personne. Donc, ça c'est une catégorie qui est permis de sacrifier pour Allah et ces animaux-là pour ça. Al-Hadaya, hein, les offrandes, ça c'est des animaux qui sont offerts quand on fait le Hajj, on doit égorger un animal durant le Hajj. Donc on appelle ça Al-Hadyu. Et c'est une offrande. Ça c'est permis aussi de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala ces animaux-là. Donc dhabhun nuzuri lillah, c'est-à-dire de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala un animal à cause d'un serment ou à cause d'un vœu qu'on a fait. Lorsqu'il s'est réalisé, il faut exécuter notre vœu, hein, la promesse qu'on a faite de le faire. العقيقة على المولود في يوم سابعه أو بعده. De dégorger un mouton ou deux, selon si c'est un garçon ou une fille, pour lorsqu'on a un bébé. العقيقة, ça s'appelle. Donc, c'est le septième jour ou bien après, comme le chef a expliqué. Donc ça, c'est permis. الذبح لإكرام الضيوف. C'est-à-dire de sacrifier un animal pour faire preuve de générosité envers les invités. Ça, c'est permis. Ok. الذبح صدقة يتقرب بها أو ذبح صدقة يتقرب بها إلى الله. De sacrifier un animal comme pour donner en sadaqa dans le but de se rapprocher d'Allah. Ça, c'est permis. OK. ذبح الفدية في الحج والعمرة. Comme par exemple, quand tu as commis une des choses qui sont interdites dans l'ihram, durant l'ihram, quand tu es dans le hajj ou dans l'umrah, il y a certains péchés ou certaines choses que tu fais dans l'ihram, durant l'état d'ihram, que certaines de ces contradictions-là exigent que tu égorges un animal. D'accord? Donc, pour ces différents cas-là, tu dois égorger, et donc c'est un des exemples qui est mentionné par le cheikh pour qu'est-ce qui est permis. Il y avait un autre, mais je l'ai mal transcrit, ça a l'air que je me suis trompé, donc, de toute façon, ça c'est un bon résumé. Puis aussi, qu'est-ce qui est permis, c'est, comme il mentionne, « ذبح الزجار للبيع », comme par exemple le boucher, quand il va pour égorger des bêtes pour vendre la viande, ça aussi c'est permis. Et al-dabhu lil-akl, quand tu égorges un animal pour manger, ça c'est aussi permis, c'est mubah. Il y a d'autres catégories par contre de sacrifices qui sont haram, comme on a expliqué là, dans les cours précédents. Il mentionne 11 cas. Al-dabhu lil-sanam, ou lil-asna, de sacrifier pour une idole. الذبح للجن، sacrifier pour un djinn. الذبح للقباب والمشاهد والقبور، de sacrifier pour les dômes, les مشاهد، hein, les endroits où on a construit comme un petit mausolée ou un sanctuaire sur la tombe de quelqu'un, ou bien pour une tombe. Hein, sacrifier pour ça se rend dans الشرك الأكبر. الذبح لمرض الذبح لمرض وهو من أنواع الذبح للجن. Donc il mentionne un exemple de gens qui égorgent pour un malade, et c'est une sorte de sacrifice qu'ils font pour le djinn. الذبح للبئر الجديدة قبل الشرب من مائها وهو من أنواع الذبح للجن. Des fois il y a des gens, quand ils ont construit un nouveau puits, ils égorgent un animal à cet endroit-là avant de boire de ce nouveau puits, parce qu'il demande la protection des djinns en faisant ça, pour pas que les djinns leur fassent du mal, hein, du fait qu'ils ont creusé ce puits. الذبح عند انتهاء من بناء البيت وقبل السكن بقصد حجاب الجن. Quand tu as fini de construire la maison, hein, et avant d'habiter dedans, tu égorges un animal pour te couvrir ou te protéger des djinns. Ça, c'est un autre exemple. الذبح السنوي للجبل حتى لا تسقط على البيوت المجاورة. Qu'est-ce que certains font dans certaines régions? À chaque année, ils vont égorger un animal au pied d'une montagne, ou au pied de la montagne, pour pas que la montagne tombe sur les maisons. الذبح السنوي أو الذبح السنوي للبحر أو النهر. Le fait de sacrifier un animal chaque année au bord de la mer ou d'une rivière. Et en fait, ça, c'est aussi pour les djinns, ou bien peut-être qu'ils croient que les djinns qui habitent dans l'eau ou des trucs comme ça, pour pas qu'ils fassent du mal ou des choses comme ça. C'est des idées des mouchriquins, hein, qui sont restées parmi certains peuples musulmans. الذبح عند دخول العروسين البيت ومشيهما على دم الذبيحة. D'égorger un animal lorsque les deux mariés vont entrer dans leur maison, dans leur foyer, et le fait qu'ils doivent marcher dans le sang, dans ce sang-là, pour se protéger du djinn ou du shaitan ou je sais pas quoi. الذبح للمريض من أجل الجن أن يخرج منه. Le fait de sacrifier pour un malade pour pas que le djinn entre dedans, ou bien s'il est entré pour qu'il sorte. الذبح للجن إذا وجد كنزا. Comme par exemple, tu as trouvé un trésor en creusant dans la terre ou quelque chose comme ça, puis tu égorges un animal pour le djinn, qui est pour te protéger du djinn, parce que tu as trouvé ce trésor. Donc ça, c'est des exemples de shirk akbar qu'il a mentionné, le shirk dans le livre. Puis il mentionne des exemples de shirk asghar dans ce domaine-là, qui, il dit, al-dabhu, ça c'est shirk asghar, il dit que les shirk mineurs, c'est al-dabhu fi fadilati makanin lam ya'ti shara bi tafdilihi. C'est-à-dire d'aller égorger dans un endroit spécifique auquel tu attribues un mérite particulier, alors que ce mérite-là ne lui a pas été attribué par la charia. Ça a été attribué par les gens, sans qu'il y ait de preuves. الذبح عند خصومة لإرضاء الخصم ولا يرضى عنه إلا بذلك وله أسماء متعددة. Donc il y a des gens qui ont des disputes. La seule chose qui peut faire qu'ils vont être satisfaits de la personne avec qui ils ont une dispute, c'est que la personne vienne égorger un animal devant la maison de cette personne-là, ou avec la personne avec qui il a une dispute. Hein, puis c'est des traditions dans certains endroits. Et ils appellent ça d'un certain nom, comme je dis, il y a plusieurs noms pour ça. Et il y a des gens qui m'ont donné ça comme exemple. Comme il y a un de nos professeurs à Médine, quand j'étais à la Shouba, un des profs qui nous enseignait Ta'bir, il nous a raconté une histoire comme ça, que chez eux, dans leur région, si par exemple il y a eu un accident, puis l'homme avec sa voiture, il a frappé l'enfant d'une famille. Donc pour que, par exemple, la famille de l'enfant, de la personne qui a frappé l'autre, si elle vient devant la maison de ces gens-là avec un chameau, puis qu'elle l'égorge devant leur maison, ça c'est considéré comme un grand honneur, comme un grand, quelque chose de grand là, de faire ça, tu vois, et un grand respect. Donc ça, s'ils font ça, c'est sûr qu'ils vont les excuser, ils vont laisser tomber la demande de paiement ou quelque chose comme ça. Allahu a'lam. Ou bien si c'est pas quelque chose dans ce genre-là. S'il y a un crime ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est un accident ou si c'est un crime. En tout cas, s'il y a une dispute entre des gens, des fois c'est une manière qu'ils acceptent pour, disons, régler les disputes. Alors que c'est pas légiféré hein, de faire ça. Non, non, non. Si ils faisaient ça pour les djinns, ce serait shirk, akbar. Mais ils le font juste pour s'excuser, puis comme si c'est devenu parmi les coutumes. Mais c'est comme si quelqu'un essaie de. Quand tu fais ça, c'est comme si tu montres. Allahu a'lam. Oui, je crois que c'est ça. Il le donne à la famille, puis en même temps, c'est comme ils vont manger de cet animal-là, puis peut-être ils vont faire une fête, je ne sais pas. Mais c'est ça que le professeur m'a expliqué. Allahu a'lam. Peut-être que ça se rapporte à ça. Qu'est-ce que le cheikh a donné comme exemple? Puis il dit "Al-zabhu lillahi 'inda al-qabr." C'est-à-dire quelqu'un qui va aller à une tombe, puis il dégorge un animal à la tombe, mais pour Allah, pas pour la tombe. Comme si son intention c'est pour. Et il y a un frère qui m'a posé la question à ce sujet-là hier. Et puis donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wassabi, lui, il a classifié ça dans Shirk al-Asrar. Donc, probablement que c'est vraiment Shirk Asrar et non pas Shirk Akbar. Mais si quelqu'un va sacrifier à la tombe avec l'intention de le faire pour le mort ou pour la tombe, même s'il ne le dit pas avec sa bouche, ça c'est Shirk Akbar. Mais s'il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans cet endroit-là, ça c'est Shirk Asghar. Et c'est comme une bid'a aussi, parce que c'est pas permis, ça fait pas partie de l'islam de faire des trucs comme ça, d'aller égorger à ces endroits-là. Oui, bien sûr. Ou la femme, al-muqaddama, l'appelle à la femme, la femme gnawa, elle l'appelle muqaddama, je pense, muqaddima ou muqaddama. Elle fait ça, il y a des femmes qui le font aussi ça, ou bien des hommes, ouais, mais tout ça comme on dit c'est shirk akbar. Ouais, alhamdoulilah, hein, comme il dit, c'est vrai, il y a des gens qui sacrifient à des, exactement, c'est, même Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça dans le Coran, وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُشْرِكِينَ أَوْ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. Hein, comment le shaitan a embelli pour beaucoup parmi les mouchtikines le meurtre de leurs propres enfants, sacrifier leurs enfants pour les djinns ou bien pour leurs idoles. Et même j'avais entendu une histoire à l'époque des Grecs, de la Grèce antique, lorsqu'ils ont fait la guerre de Troie, vous avez entendu parler de la guerre de Troie, le cheval de Troie. Bon, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ils voulaient partir pour attaquer la ville de Troie, mais pendant, je pense, combien de mois, 3 mois, les vents allaient dans le sens contraire de l'endroit où ils voulaient aller. Alors, à chaque fois ils voulaient partir, ils ne pouvaient pas. Alors, le commandant de l'armée qui voulait partir en guerre contre la ville de Troie, il est allé voir un prêtre grec, un des prêtres grecs à cette époque-là. C'était pas des chrétiens, à l'époque c'était pas des chrétiens, c'était des idolâtres, les grecs. Alors, ils sont allés voir un de leurs prêtres, ou un de leurs, je sais pas comment ils les appellent, et puis il leur a dit, si tu veux partir, pour que les dieux te laissent partir, soi-disant, il faut que tu égorges ta fille, il faut que tu sacrifies ta fille. Donc il a sacrifié sa fille pour pouvoir partir sur le sang. Ça fait partie des histoires là, qu'il raconte. Donc. Et donc pour eux c'était des choses tout à fait normales. Puis tu trouves ça aussi chez les magiciens, les sorciers, les gens qui pratiquent le voodooisme, d'autres trucs comme ça aussi. Ouais, ils font des choses comme ça. Donc ça c'est pour qu'est-ce qu'il y avait à dire à ce sujet-là. Maintenant, pour ce qui est de ce chapitre-là, dans lequel on commence aujourd'hui, le cheikh Salih Al-Fawzan, il commence l'explication, il dit, قال الشيخ رحمه الله باب لا يذبح لله في مكان أو بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله ما جاء في الذبح لغير الله، يعني أنه محرم وأنه الشرك. وهذا الباب فيه سد الذريعة المفضية إلى الذبح لغير الله. الشيخ الذكاء الشيخ محمد عبد الوهاب maintenant il commence à expliquer ce nouveau chapitre qui est le fait de qu'on ne doit pas sacrifier pour Allah dans un endroit où les gens sacrifient des animaux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce chapitre suit celui qui a précédé, c'est-à-dire c'est la suite, ok. Et il dit que donc tout, le chapitre précédent c'était quoi, c'était qu'est-ce qui a été ramené ou qu'est-ce qui a été dit au sujet de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est muharram, c'est interdit de le faire, de sacrifier pour autre qu'Allah, et que ça fait partie du shirk. Et le shaykh il dit wa hada al-bab, et ce chapitre qu'on étudie maintenant c'est le principe qu'on appelle sadd al-zari'a, c'est-à-dire de fermer tous les chemins ou toutes les portes qui peuvent amener une personne à tomber dans le shirk. Donc non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le shirk, mais il a aussi interdit ou fermé toutes les portes qui pourraient amener quelqu'un à tomber dans le shirk, d'accord. Et en principe, lorsque quelque chose t'amène à tomber dans le shirk, s'il n'est pas shirk lui-même, mais qu'il t'amène à tomber dans le shirk, eh bien il est considéré comme un shirk asghar aussi. Souvent c'est comme ça. Après le shaykh dit wa qawluhu babun la yuzbahu, wa alaykum salam wa rahmatullah, babun la yuzbahu bi dhamm al ha ala an la nafiyah, ala an la nafiyah, wa yasluhu la yuzbah bi iskaniha, لا يذبح بالضم الحاء لا يذبح ولا يذبح على النفي على النهي pardon بمعنى النهي. Donc il ça c'est les deux façons de le dire. بل إذا جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذا نفي معناه النهي. ومثله قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا في نفي معناه وهذا نفي معناه النهي عن هذه الأمور. دونك الشيخ الإكسبيكي سيكو باب لا يذبح ولا يذبح، on peut dire les deux، لا يذبح ولا يذبح. Dans le premier cas si tu dis لا يذبح ça veut dire que c'est une négation، وعليكم السلام ورحمة الله، ça veut dire que c'est une négation. Mais si tu dis لا يذبح c'est une interdiction. Tu comprends. Dans le premier cas c'est une négation، on n'interdit pas، on n'égorge pas dans un endroit où on a égorgé pour autre que Allah. Et dans la deuxième cas c'est n'égorgez pas dans un endroit où on égorge pour autre que Allah, selon la signification ou selon le sens qu'on lui donne. Mais le cheikh il dit que si c'est une négation, c'est une négation, ça a plus, c'est encore plus fort comme interdiction que si c'est simplement une interdiction. Comprenez, comme si on dit on n'égorge pas dans, pour Allah dans un endroit où on égorgeait pour autre qu'Allah, ça c'est comme si on nie carrément que ça se produit et ça implique une interdiction. Toutefois, on pourrait dire n'égorgez pas, la tazbahu, n'égorgez pas. Et ça, dans ce sens-là, ce serait une interdiction et là, ce serait moins fort que si c'est une négation. Parce que si c'est une négation, ça veut dire ça ne s'est pas produit, ça ne se produit pas et ça ne s'est jamais produit dans le passé qu'on fait ça dans le sens que c'est interdit. Non. bisiratinna. Il donne des exemples de ça, comme par exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La tashiddu rihal » ou « La tushaddu rihal » « La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid » Ne faites pas des voyages pour aller visiter autre que les trois grandes mosquées. Des voyages dans le but d'adorer, excepté pour une de ces trois mosquées-là. Et c'est la Mecque, la mosquée Al-Madina, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la mosquée de Al-Quds, en Palestine. Donc ça c'est une négation, mais ça, son sens c'est l'interdiction. La même chose aussi dans le verset 197 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Celui qui fait le hajj, il ne doit pas faire de rafas, et ni de fousouq, et ni de jidal durant le hajj. » Donc ça veut dire qu'il ne doit pas dire des mauvaises paroles, il ne doit pas faire des péchés, des désobéissances, et il ne doit pas se disputer alors qu'il est en train de faire le hajj. Okay? Pourquoi? Parce que celui qui fait des péchés durant le hajj, c'est plus grand comme péché, il aura une plus grande punition que s'il fait un péché ailleurs que dans le hajj, ou ailleurs qu'à Mecca. Okay? Les péchés que quelqu'un fait à Mecca ou à Medina, sont le châtiment pour ces péchés-là sont doublés, hein, par rapport à un péché que quelqu'un fait ailleurs. D'accord? Donc, c'est des négations, mais dans le sens d'une interdiction. وقوله لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأن الذبح في هذا المكان وإن كان لله عز وجل فإنه وسيلة إلى الشرك وكذلك في الذبح في هذا المكان تعظيم له ومشابهة للمشركين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسائل المفضية إلى الشرك مثل نهيه عن الصلاة إلى القبور وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله عز وجل والنهي عن الدعاء عند القبور وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله وحده ولكن إذا هذا المكان لا يصلح التعبد للنهي فيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأنه وسيلة إلى الشرك وكذلك نهى عن الصلاة عند غروب الشمس لأنه وسيلة إلى عبادتها لأن المشركين كانوا يسجدون لها عند الغروب ونهى عن الصلاة عند شروق الشمس لأن المشركين كانوا يسجدون لها في هذا الوقت فكل مواطن وكل زمان قد اتخذه المشركون لعبادتهم فإننا نهينا أن نشاركهم فيه وأمرنا أن نبتعد عنه من باب سد الذرائع ومن باب قطع المشابهة للمشركين مما يعطي دين الإسلام استقلالية تامة عن كل دين سواه فيه في الأديان الباطلة لشيخ الزي Quand le cheikh Mohammed Abdul Wahhab dit qu'on ne doit pas égorger pour Allah là où les gens égorgent pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que pourquoi? C'est parce que le fait d'égorger dans cet endroit-là, même si on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moyen qui pourrait nous faire tomber dans le shirk. Et de même que c'est une sorte de respect qu'on offre à cet endroit-là ou à ce lieu-là en particulier, et il y a donc dans ça une ressemblance avec ce que font les mouchriquins. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de suivre ou de prendre tout moyen qui pourrait nous amener à tomber dans le shirk. Donc toute chose qui peut t'amener dans le shirk, même si elle n'est pas shirk en elle-même, mais si ça peut t'amener à tomber dans le shirk, alors il est interdit. Comme par exemple, le cheikh il donne des exemples, comme l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prier vers une tombe. Même si la personne qui prie ne prie que pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire toi tu pries uniquement pour Allah, sauf que tu pries vers une tombe, ou en direction d'une tombe, t'as pas le droit. C'est interdit. Même si toi tu dis non, mon intention c'est juste de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est haram. Ok? parce que tu ressembles à quelqu'un qui adore une tombe quand tu fais ça. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire des du'as dans les cimetières, dans les tombes, hein, à l'endroit où il y a une tombe. Parce que même si toi tu invoques uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, ça donne l'impression que tu adores ou que tu invoques la tombe. Et donc ça devient interdit à cause de ça. Même si ce n'est pas shirk en soi. Également, le cheikh il donne comme exemple que lorsque le soleil se couche, on n'a pas le droit de prier à ce moment-là. Et quand le soleil se lève également, parce que c'est le moment dans lequel les mouchriquins se prosternaient au soleil. Donc, on a été interdit, nous aussi, de se prosterner à ce moment-là pour ne pas ressembler à ces gens-là dans l'exemple qu'ils font de shirk. Donc, même si c'est pas shirk en soi, mais ça fait ressembler les musulmans qui feraient ça, ça les ferait ressembler à des mouchriquins, hein, et ça peut amener des gens à faire le mouchriquin, à faire les actions des mouchriquins, surtout des petits-enfants, par exemple, qui savent pas vraiment l'islam. Hein, s'ils grandissaient comme ça, puis ils diraient par exemple, ah, mes parents, les musulmans, ils prient toujours quand le soleil se lève, ou quand le soleil se couche, c'est sûrement parce qu'on adore le soleil. Et peut-être par ignorance, ils commenceraient à adorer le soleil, inconsciemment. Hein, donc, c'est comme ça que le shirk commence chez les gens. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé toutes ses portes, vers le shirk. Également, le cheikh il dit donc que toute période de temps ou tout endroit que les mouchriquins ont choisi et qu'ils ont adopté comme lieu ou comme moment pour faire leurs adorations à eux, on a été nous interdits de, on a été interdits de les accompagner et de participer avec eux et de faire comme eux dans ces lieux-là ou dans ces endroits-là. Parce que c'est pour fermer la porte à toute chose qui pourrait nous amener à tomber dans le shirk et pour fermer toute ressemblance qui pourrait exister entre nous et les mouchriquins et les gens des autres religions. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il nous interdit de ressembler aux juifs et aux chrétiens et de les imiter. Dans plusieurs aspects. Donc, là, par exemple, il dit, Khaliful Yahoud, Khaliful Nasara, Khaliful Majus. Il y a beaucoup de hadiths comme ça. Distinguez-vous des juifs, distinguez-vous des chrétiens, distinguez-vous des Majus. Hein, faites pas comme ils font, distinguez-vous, ne soyez pas comme eux, ne les imitez pas, hein, dans rien. Donc c'est pour nous dire que, en premier, de ne pas leur ressembler dans leurs croyances, de ne pas leur ressembler dans leurs pratiques religieuses, et de ne pas leur ressembler dans tout ce qui a rapport avec la vie, dans tous les autres aspects de la vie. D'accord? Et le cheikh, il dit ça donne à l'islam son, indépendance par rapport aux autres religions. Et ça fait en sorte que, on n'est pas en train de suivre les autres dans nos croyances, dans nos pratiques, on est indépendant d'eux, dans ce sens-là. Peu importe quelle parmi les religions de fausseté. Ensuite, le cheikh il commence à expliquer maintenant le premier verset qui a été mentionné dans ce chapitre, comme référence ou comme preuve à ce sujet-là. Il mentionne le verset d'un surat al-Tawbah, le verset 108. قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا أي في مسجد الضرار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا المسجد. Le cheikh il dit, ne te tiens jamais dans cette prière pour adorer. C'est-à-dire dans la mosquée qu'on appelle Masjid al-Dirar. Masjid al-Dirar, c'est-à-dire la mosquée qui a été adopté par rivalité, pour faire de la rivalité et des conflits yani, entre les musulmans. Allah donc a interdit aux musulmans de rester dans cette mosquée-là, et on va lire le verset au complet pour voir exactement qu'est-ce que c'est cette histoire de Masjid al-Dirar. Après on va lire l'explication du cheikh à ce sujet-là, qui va donner des détails là-dessus. Donc le cheikh il mentionne le verset « La taqum fihi abada », sauf que ça c'est juste une partie d'un verset. Avant ce verset-là, puis après, il y a d'autres versets qui se rapportent, qui expliquent de quoi il s'agit. Ok, c'est quoi ?« وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا دُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين خذ أبخاسي أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Donc ça c'est les trois versets à ce sujet là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, de kofran, et de division entre les croyants, et qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son messager, et jure en disant « Nous ne voulions que le bien », ceux-là, Allah atteste qu'ils mentent. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, c'est ça le verset. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu te tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croulera avec lui dans le feu de l'enfer, et Allah ne guide pas les gens injustes. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se déchire, et Allah est omniscient et sage. Ok, donc ça c'est le verset qui a été amené à ce sujet-là. Là on va expliquer l'histoire maintenant. Ok, là on va lire les paroles du Cheikh Fawzan qui explique cette histoire de fitna avec la masjid d'Irar, hein, la mosquée de rivalité, et puis on va voir qu'est-ce que ça veut dire. وقصته أن عامر أبا عامر الفاسق كان قد قرأ الكتب السابقة في الجاهلية وتعبد حتى صار يقال له أبو عامر الراهب ويعظمه الناس لما يظهر عليه من الدين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حسده وكفر به وأبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عامر الفاسق، لأنه خرج عن طاعة الله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب هذا الكافر إلى الشام يؤلب النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب وهو في الشام إلى جماعة من المنافقين في المدينة أن ابنوا لنا مكانا من أجل أن نجتمع فيه ونتشاور، يريدون أن يكون هذا المكان محل اجتماع لأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يتشاورون فيه للكيد للإسلام وكانوا لم يجرؤوا على أن يبنوه على أنه مجمع فأظهروه بصورة مسجد أو بصورة المسجد وقالوا بنيناه من أجل الضعيف والمريض والليلة المطيرة أو الليلة الشاتية وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه يريدون من هذا التغطية والخديعة. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit, cette histoire, c'est l'histoire de la mosquée de Dirar, c'est quoi? C'est l'histoire que un homme qui s'appelait Abu Amir, ok? Abu Amir al-Fasiq, ok? Il avait lu les livres de l'Ancien Testament, de la Bible, avant l'islam, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaisse. Yani avant qu'il soit amené, envoyé comme prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de la Jahiliya. Il a lu les livres des juifs et des chrétiens. Et il a commencé à adorer Allah, à faire des adorations, jusqu'à ce qu'on commence à l'appeler le moine. Abu Amr, le moine, al-Rahib. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gens commençaient à le respecter à cause de ça, parce qu'ils ont vu que c'était un homme pieux, un homme vertueux qui faisait beaucoup d'adoration. Ok? Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijra et qu'il est venu à Médine, Abu Amir, il a été jaloux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a refusé de croire en lui. Et il a détesté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé Abu Amir al-Fasiq. Au lieu de l'appeler Al-Rahib, il l'a appelé Al-Fasiq, c'est-à-dire le désobéissant, celui qui se retourne contre l'ordre d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de l'obéissance d'Allah et il a mécru en son messager, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a été appelé Al-Fasiq. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ce kafir, il est parti vers la Syrie, Al-Sham. Et il a commencé à essayer de monter les gens, les chrétiens de la Syrie, contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a écrit une lettre à des munafiqines, ou un groupe de munafiqines qui vivaient à Médine, pour que les munafiqines de Médine construisent un lieu où ils pourraient se réunir pour discuter, et pour commencer à argumenter et à comploté contre les croyants, contre les musulmans. Le cheikh il dit, il voulait que ce soit un lieu où les ennemis du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se réunissent pour comploter contre l'islam et contre les musulmans. Et, bien entendu, il ne pouvait pas juste faire comme un lieu de rencontre comme ça, construire une cabane, une petite maison pour que les gens se réunissent. Ils ont décidé, pour camoufler l'affaire, que ce soit pour que ça passe mieux, plus facilement, ils ont décidé de faire une petite mosquée, hein, où ils auraient pu aller se rassembler pour commencer à faire leur complot, puis leur s'organiser contre les musulmans. Alors, ils ont fait comme une forme de mosquée, ce lieu-là. Et ils ont dit que c'était un endroit pour les faibles, pour les gens malades, ou quand il y a de la pluie, ou quand il y a quand c'est l'hiver, les gens pouvaient aller dans cet endroit-là, hein, quand ils sont en chemin. Et ils ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de venir prier dedans. Et ils veulent, en faisant ça, camoufler leur complot et leur ruse, hein, leurs intentions réelles. فوعدهم صلى الله عليه وسلم وقال أنا على سفر إلى غزوة تابوك إن شاء الله السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إذا رجعنا نصلي فيه فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تابوك ولم يبق على وصوله إلى المدينة إلا ليلة أو ليلتان أتاه الوحي من السماء قال الله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا بين سبحانه مقاصدهم الخبيثة في هذا البناء وقوله لا تقم فيه أبدا فيه منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا المسجد وتيئيس لهؤلاء. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a promis qu'il allait venir prier dans cet endroit-là. Il leur a dit, je ne peux pas maintenant venir prier dedans parce que je dois partir pour la bataille de Tabouk. Mais à mon retour, je prierai dedans. Ok? Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est revenu de Tabouk, juste quand il restait une nuit ou deux avant qu'il revienne à Al-Madinah Al-Munawwara, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé une révélation en lui disant « Ne te tiens jamais debout dans cet endroit-là, dans cette mosquée-là. » Ok? Donc, Allah avait clarifié au prophète sallallahu alayhi wa sallam les réelles intentions mauvaises qui étaient cachées derrière la construction de ce bâtiment-là. Et donc, lorsque le prophète, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ne te tiens jamais debout dans cet endroit-là », c'est comme pour interdire au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans cette mosquée-là, et pour en même temps que les gens qui l'ont construit perdent l'espoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie dans cet endroit-là. Parce que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va prier dans cet endroit-là, c'est comme si en même temps, c'est comme pour mettre comme une baraka, hein, et pour dire que c'est une mosquée correcte. Et que tu peux prier dedans, hein. Donc, c'est pour dire ça. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a interdit d'aller prier dedans. Et donc, vous avez vu, qu'est-ce qui a été dit dans les versets qu'on a mentionnés au sujet de cette mosquée-là, hein. Et l'autre mosquée qui est mentionnée dans ce verset-là, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Hein, comme on va le mentionner tout à l'heure, ça c'est la mosquée de Quba. Et la mosquée, Masjid Quba, c'est une mosquée qui est construite sur le chemin vers Médine. Hein, c'est première mosquée, ouais. C'est une mosquée qui a été construite sur ce chemin. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il aille à Médine, il s'est arrêté en chemin, il a prié à cet endroit-là et ils ont construit une mosquée à cet endroit-là. Ça s'appelle Masjid Quba. Elle existe jusqu'aujourd'hui. C'est une belle mosquée, mashallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'y aller chaque samedi, en marchant ou en adodan. Et il allait, il faisait deux raka'a. Et il y a un hadith même qui a été rapporté au sujet que la personne qui va prier dans cette mosquée-là le samedi, c'est comme s'il a fait l'umrah. Et bien, donc il y a un bien à aller prier dans cette mosquée-là. Non, c'est pas Qibla Tain, c'est Quba. Eh, na'am. Quba, c'est pas Qibla Tain. Et, c'est environ 30 minutes de marche. Si tu pars de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour aller jusqu'à Quba, c'est environ 30 minutes de marche. On est comme ça, toi. Sauf que faut que tu traverses une rue remplie de magasins. C'est une zone très commerciale. La rue de Quba, c'est une rue très commerciale. Puis, donc, c'est ça. La mosquée de Quba, ça doit être les gens de Quba. Non. Non, pas tout bas. Pas au Sénégal, non. Donc, d'accord. Ensuite, le cheikh, il dit, Fafiha dihil ayat. Donc, ça prouve que c'est pas parce que un endroit c'est une mosquée que ça y est. La mosquée est correcte, non. Il faut regarder aussi l'intention qui était derrière la construction de cette mosquée. Et c'est qui est-ce qui est derrière cette mosquée-là aussi, hein. C'est pas comme certains disent, ah, mais les mosquées, c'est les mosquées d'Allah, et puis ça y est. Non. Il y a des mosquées qui ont été érigées comme celle-là pour combattre l'islam, pour détruire l'islam. Et donc, des mosquées comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné de la faire brûler. C'est juste pour vous montrer un exemple. Donc, c'est pour dire que c'est pas n'importe qui fait construire une mosquée, qui dit ça y est, j'ai construit une mosquée, qu'il veut faire ça pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'islam. Des fois, c'est des gens, ils font des mosquées justement dans le but de combattre l'islam, de combattre la sunna. et d'établir des bid'ah. Hein? Et donc, ces mosquées-là rentrent dans le sens des mosquées qu'on appelle Masjid Dirar. Masjid Dirar. Et elle a été brûlée. Elle a été brûlée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit, le cheikh ensuite? Il dit, فَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّ النِّيَّاتُ تُؤَثِّرُ فِي الْأَمْكِنَةِ وَالْمَبَانِي النِّيَّاتُ الْخَبِيثَةُ تُؤَثِّرُ فِي الْأَمْكِنَةِ وَالْبِقَاعِ خُبْثًا وَالنِّيَّاتُ الصَّالِحَةُ تُؤَثِّرُ فِيهَا بَرَكَةً وَخَيْرًا فَفِيهَا الْحَثُّ عَلَى إِصْلَاحِ الْمَقَاصِدِ وفيها دليل على أن الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر. هؤلاء بنوا مسجدا في الظاهر ولكن ليس مقصودهم المسجد، فدل على أن ما كل من أظهر الصلاح يقبل منه حتى تعرف حقيقته. ففيه التنبيه على الخداع أو على خداع المخادعين، وأن يكون المؤمنون على حذر دائما من المشبوهين ومن تضليلهم، وأنهم قد يتظاهرون بالصلاح ويتظاهرون بالمشاريع الخيرية، ولكن ما دام سوابقهم وما دام تصرفاتهم ما دامت سوابقهم وما دامت تصرفاتهم تشهد بكذبهم فإنه لا يقبل منهم. ولا ننخدع بالمظاهر دون نظر إلى المقاصد وإلى ما يترتب، ولو على مدى البعيد على هذا على هذه المظاهر. ففيه تنبيه المسلمين إلى الحذر في كل مكان وزمان من تضليل المشبوهين، وأن كل من تظاهر بالخير والصلاح والمشاريع الخيرية لا يكون صالحا إلا من لم يكن له سوابق في الإجرام ولم يعرف عنه إلا الخير فهذا يقبل منه، ولكن من كان معروفا بالسوابق السيئة والمكائد الخبيثة أو يظهر عليه أو على فلتات لسانه أو على كلامه شيء فإننا نأخذ الحذر منه ولا ننخدع، لأن الله جل وعلا نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان أعد للمعصية، فدل هذا على أنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، كما لا يصلى لله في مكان أعد للمعصية والكفر، وكذلك لا يذبح لله في مكان أعد للمعصية. وقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه هو المسجد مسجد قباء لصلاح نية أهله صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على فضيحة مسجد فضيلة مسجد قباء. أوكي كيف كتبته الشيخ ici il explique un principe très important. Malheureusement à notre époque beaucoup de musulmans, ils n'ont pas compris ce principe-là. Et c'est pour ça que on a beaucoup de misère ou de problèmes. Hein? Vous allez comprendre, Inch'Allah, au fur et à mesure. J'ai dit que ces versets-là, dans ces versets-là, on voit que les intentions ont un effet sur les endroits et sur les bâtiments qu'on construit. Quand quelque chose est construit avec une bonne intention, quand un bâtiment est construit avec une mauvaise intention ou un projet est fait avec une mauvaise intention, eh bien ça met du mal et de la saleté, de l'impureté dans cet endroit-là. Donc le fait que l'intention qui est derrière, elle n'est pas pure, elle n'est pas sincère, elle n'est pas bonne, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que cet endroit-là soit pas béni, elle va pas être établie sur le haq. Ok? Et si quelque chose est construit avec une bonne intention, une intention pure et sincère, alors Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka et du bien dedans. Donc ça nous incite à corriger nos intentions, premièrement, et également il y a la preuve dans ça que l'important, c'est pas seulement l'apparence, l'extérieur, l'important avant tout c'est les intentions qui sont derrière. Donc ces gens-là, par exemple, les gens qui ont construit Masjid Dirar, en apparence, leur intention n'était que de construire une mosquée. Alors que, en réalité, c'était pas ça. Hein. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que c'est pas tout le monde qui nous montre qu'ils font le bien qu'on doit accepter d'eux. Ok? Jusqu'à ce qu'on ait vu et compris la réalité qui est derrière ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Ok? Et donc, il y a comme une sorte de, il y a comme une sorte de note dans ça pour nous faire comprendre que il faut pas se laisser tromper facilement par les gens qui essaient de nous tromper. Ok? Et donc, les musulmans, les croyants doivent être sur leur garde. Toujours sur leur garde vis-à-vis des gens qui sont pas clairs dans leur manhaj, qui sont pas clairs dans leurs idées, qui sont pas clairs dans leurs paroles, hein. Et de leur forme d'égarement. Parce qu'ils essaient toujours d'égarer les gens. D'accord? Et ils peuvent venir aux gens et leur montrer une apparence de personnes qui veulent le bien, qui veulent faire le bien, qui veulent réformer, amener du bien, alors qu'en réalité, ce sont des menteurs. Et donc, on ne doit pas accepter de quoi que ce soit, et on ne doit pas se laisser tromper par leur apparence. Et on doit plutôt regarder aux intentions qui sont derrière. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de musulmans qui sont très naïfs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique il a dit al-muslim laysa bi'im'a. Le musulman il n'est pas naïf, il est pas, c'est pas quelqu'un qui accepte tout. Tu lui dis quelque chose, il accepte, il croit à tout naïvement, non. Le musulman il doit être intelligent, il doit se méfier, il doit faire attention. Et particulièrement à l'époque dans laquelle on vit. C'est pas tout le monde qui dit, qui montre qu'il est correct, qu'il est musulman, tu prends tout ce qu'il dit, tu acceptes tout ce qu'il fait. Hein. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ils prennent d'autres musulmans, justement, pour des gens naïfs qui acceptent tout. Hein. Ils disent, ah, mais on est des frères, hein. Il faut pas penser du mal ou dire du mal de nos frères, hein. Husnul-dhan. Faut avoir des bonnes pensées. Mais en même temps, il faut rester conscient du contexte dans lequel on vit et en même temps de la réalité dans laquelle on est pour savoir que c'est pas toute personne qui te vient et qui te dit des belles paroles, qui te dit des choses que tu dois accepter ce qu'il dit. Il faut faire attention, il faut vérifier comme il faut de bien connaître ces personnes-là. Hein? Donc, il y a des gens comme ça. Ah, mais il faut pas parler d'une mosquée. La mosquée, c'est la maison d'Allah. Oui, la mosquée, c'est la maison d'Allah. Mais l'intention qui est derrière, c'est peut-être autre chose. Quand vous voyez des mosquées établies par des gens qui sont des chefs ou des groupes de bid'ah, et que leur intention, c'est d'établir la bid'ah, et de diviser les mu'minines, et d'éloigner les gens du Coran et de la sunnah, et de semer la fitna, et de faire des problèmes dans la communauté, entre les musulmans. Ces gens-là, en apparence, ils disent « Ah ouais, mais ce sont nos frères, ce sont des musulmans. » Non, il faut faire attention, c'est pas tout le monde qui se montre comme étant sincère qu'il est nécessairement sincère. Mm-hmm. Dans ce cas-là, il faut faire notre propre mosquée. Il faut que vous faisiez votre propre mosquée dans un endroit où tous les gens qui sont dans cette région-là, c'est seulement des mosquées établies par ces gens, ces gens de turcs soufis là, qui ont ces croyances de shirk et qui appellent à ces croyances-là. Dans ce cas-là, comme les ulama ont dit, vous devrez vous faire vos propres mosquées et vous distinguer de ces gens-là. Comme Cheikh Mourbel, il a dit ça dans plusieurs de ses cassettes, il a expliqué ça. Vous vous séparez des mosquées des gens, mais arrêtez de faire vos propres mosquées. Mais attends, on va continuer parce qu'il y a beaucoup de questions là, une après l'autre, puis on va expliquer, puis après on va revenir aux questions à la fin, Inch'Allah. Donc, comme je dis, c'est parce qu'il faut, il y a des, surtout les convertis ou des nouveaux musulmans, des gens qui commencent à pratiquer, il y a des gens qui utilisent, qui manipulent ces gens-là à cause de leur naïveté. Ils les manipulent, ils les utilisent facilement comme ça. oh, on est tous musulmans, il faut s'aimer, il faut aimer tous les musulmans, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ils ne réalisent pas que parmi les musulmans, il y en a qui sont sur des bid'ahs, il y en a qui combattent le Coran et la Sunna à l'intérieur de l'islam. Il y en a qui ont il y a des déviations et des hérésies, des bid'ahs, c'est pour ça. Tu peux pas juste aujourd'hui fermer les yeux et dire ah tout le monde qui se dit musulman on accepte de lui puis on travaille avec lui puis on fait on rentre dans leurs projets etc etc. Non, il faut vérifier, il faut analyser, il faut demander aux ulama. Quand vous voyez quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna et que vous voyez des gens qui suivent un autre manhaj, vous téléphonez aux ulama, vous leur demandez voici ce que des gens ont fait, voici ce que des gens ont dit, voici ce qu'ils pratiquent, voici ce qu'ils font. Est-ce que on a le droit de rester avec ces gens-là? Est-ce qu'on a le droit de prier avec ces gens-là? Est-ce qu'on a le droit de faire ci ou ça avec ces gens-là? Hein? Pour être sûr que on tombe pas dans quelque chose de mauvais. D'accord? Donc c'est ça le cas. Wallahu a'lam. Et puis le chef il dit ensuite. وفيه دليل أو كسكش ذا يزيد عنك. il faut pas juste se baser sur l'apparence comme le chef explique et donc le musulman il doit faire attention dans à tout moment et à tout endroit de se pour pas se faire égarer par les gens qui sont pas clairs hein, qui essaient de se faire passer pour qu'est-ce qu'ils sont pas. C'est pas toute personne qui montre qu'il est bien ou qui veut faire un projet islamique, hein. Il y a des gens qui disent, oh, aidez-nous, on veut faire un projet islamique, hein. Des fois, par exemple, il y a des gens qui vont venir devant la mosquée, qui ramassent de l'argent, qui viennent voir les musulmans, ils disent, on ramasse de l'argent pour construire une mosquée. Donnez pas de l'argent tout de suite. Renseignez-vous sur ces gens-là avant. Renseignez-vous sur leur manhaj. Renseignez-vous sur leur aqidah. Renseignez-vous sur la façon dont ils comprennent l'islam. C'est qui leur référence? C'est quoi leur référence? Leur position vis-à-vis du tawhid? Leur position vis-à-vis de la sunna? Faites des recherches. C'est pas toute personne qui vient qui vous dit, on a un projet islamique. On a un truc de bienfaisance. On a un truc de levée de fonds. On a, par exemple, un projet pour aider les orphelins et les pauvres. Ou des écoles islamiques, ou n'importe quoi. Vérifiez c'est qui ces gens-là qui sont derrière ces projets-là, derrière ces mosquées-là, derrière ces organisations-là. Ne donnez pas votre argent à quiconque si vous savez pas sur quoi ils se tiennent. C'est quoi leur manhaj? C'est quoi leur aqida? C'est quoi leur da'wa? C'est quoi qui supporte derrière, c'est quoi qui est derrière? Même les gens qui disent qu'ils veulent construire des mosquées. Parce que tu sais pas si c'est une mosquée Naqshbandiya, ou si c'est une mosquée Boutchichiya, ou si c'est une mosquée Tabliriya, ou Maturidiya, ou je sais pas quoi d'autre encore. Tous ces gens-là, ils disent musulmans, on est tous des frères. Et après, quand ils ouvrent leur mosquée, tu vois, ils établissent la bid'a et ils combattent les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'ah. Donc, si toi tu dis juste on est tous musulmans, on va tous les aider, ça va retomber contre nous à la fin. Et la communauté est déjà divisée. Donc, toi tu prends ton argent, au lieu d'aider avec ton argent les gens de Al-Sunnah al-Jama'ah, les gens qui suivent le Kitab al-Sunnah et la voie des Salaf Salih, tu donnes ton argent pour les gens qui encouragent la bid'a et le dalal. Donc, il ne faut pas participer à ça. Et les gens, des fois, ils ont une couverture. Ils montrent qu'ils aident les orphelins, ils montrent qu'ils veulent aider les pauvres dans d'autres pays musulmans, hein, et en arrière, il y a d'autres choses. Il y a d'autres projets. On a l'organisation qui dit on aide les Palestiniens et la Palestine, et puis en dessous, c'est d'autres choses qu'ils font avec cet argent-là. Et on ne sait même pas c'est qui. Est-ce qu'ils sont en train de vouloir établir la Sunna en Palestine, ou bien ils veulent établir la Bid'a en Palestine? Hein? Comme les groupes de Hezbollah et d'autres groupes de Bid'a qui sont là-bas. Hein? Donc c'est pour ça, il faut vérifier et pas donner notre argent et pas travailler et coopérer avec n'importe qui juste parce qu'il se dit musulman. Il faut bien faire attention, comme on a dit. Hein? Et donc ça nous incite à comprendre ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui ont des ruses mauvaises, qui planifient contre l'islam, contre les gens de l'Ahl-Sunnah. Et donc, des fois, ça apparaît dans sa façon de parler, ça peut apparaître dans ses actions. Surtout si tu sais au sujet de la personne des choses, au sujet de sa aqida, de son manhaj, de son attitude, de son comportement, des choses de ce genre, et donc tu te tiens sur tes gardes vis-à-vis de ces gens-là, avant de rentrer dans leur projet. Ok? Il y a tellement de mosquées salafies partout, hein, en Europe, ici, dans les pays musulmans, des frères salafis qui veulent ouvrir des écoles salafies pour enseigner la aqida et tout. Si on peut coopérer entre nous dans ces choses-là, alhamdoulilah. Mais avec des gens de bid'a, et avec des gens qui s'opposent à la sunna, jamais. On ne doit pas coopérer avec eux. Ok? Ouais, ils vont tous se réclamer de la sunna, mais c'est parce qu'ils ne savent pas c'est quoi quand on dit sunna. Ça ne veut pas juste dire faire qu'est-ce qui est recommandé dans l'islam, comme qu'est-ce qui est pas wajib, c'est sunna. Non. Quand on dit sunna, ça veut dire la aqida et le manhaj et la voie des salaf salih, hein, de les suivre dans tout. Dans leurs croyances, premièrement. Il y a un vendredi passé, quand j'ai fait la khutbah, j'ai parlé d'un des points qui annule la croyance d'un musulman. J'ai mentionné que celui qui refuse de déclarer les mouchriquines comme étant des koufars, alors, ou qui doute de leur mécréance, ou qui dit que leur voie ou leur religion est correcte, il est kafir lui aussi. Et j'ai mentionné les colloques ou les camarades, les conventions qui sont établies pour soi-disant réunir les religions ensemble, hein, puis faire des dialogues entre les juifs et les chrétiens et les musulmans pour que les trois religions soient unies, et que parmi des musulmans, il y en a qui participent à ces conventions-là, et parmi eux, c'est les Ikhwan al-Muslimin en particulier et les Soufis. Et il y a un des frères qui était dans la salle qui n'a pas aimé, parce que lui-même il est Ikhwani, il n'a pas aimé qu'on a critiqué les Ikhwan al-Muslimin de cette façon dans la khutbah. Alors il est venu me voir après la khutbah pour me dire, ah, c'est les Ikhwan al-Muslimin qui ont fait revivre l'islam dans le nord de l'Afrique et puis dans le monde musulman. J'ai dit, est-ce que tu sais réellement c'est quoi le manhaj des Ikhwan, hein? Et là je lui ai dit, c'est le contraire plutôt. Hein, déjà, Hassan al-Banna, c'est un soufi, hein, c'est un soufi Kouburi, Chazili, hein, et en plus de ça, c'est un Ash'ari dans sa aqida, il fait le tafouid des sifat, hein, et il suit le manhaj des Khawarij qui s'oppose au gouvernement. Et non seulement ça, en plus de ça, il fait le Mawlid al-Nabawi et beaucoup d'autres bid'ah. Donc, son manhaj n'a rien à voir avec la voie des salaf. Il dit non, ça c'est pas vrai, il dit. On a les textes, on a les preuves. Et non seulement ça, il disait, mais on est tous salafis. On suit tous les salafs. Je lui ai dit, où est Allah? Il m'a dit, il est partout. J'ai dit, ça c'est pas la aqida des salafs. J'ai dit, tu dis que t'es salafi, ta croyance n'est pas en accord avec la aqida des salafis. Il dit, non, Allah est partout. J'ai dit, est-ce que Allah est dans les toilettes? Il m'a dit, non. Je dis, donc il n'est pas partout. Hein? Allah, il dit, Ar-Rahman wa ala l'arshi s-sawa. Il est partout dans sa science. Dans sa vue, dans son ouïe, il voit tout, il entend tout, il sait tout, mais il n'est pas par sa personne en tout endroit et dans toute chose. Hein? Une fois j'ai dit ça à un soufi, j'ai dit, est-ce que tu dis qu'Allah est dans le porc et dans les pêches? Il a dit non, j'ai dit ah, tu vois, il n'est pas partout, hein? Pourquoi? Parce que s'il dit oui, il est kafir. S'il dit Allah est dans le porc, il est kafir. Alors, là il s'est tu. Alors il a dit, parce qu'il y en a des soufis comme Ibn Arabi, il dit oui, il dit mon Dieu c'est le porc et le singe, hein, dans ses poèmes il dit ça. Donc c'est pour te dire, ça c'est des croyances de kufr, et notre aqida à nous, la aqida des salafs c'est basé sur le Coran et la sunna, et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, hein, et il est séparé de sa création, et il n'y a rien qui lui ressemble, d'accord? Donc c'est juste un point que je lui ai donné comme exemple pour lui montrer que il prétend qu'il est salafi alors qu'il n'a rien, il ne connaît rien au sujet de la aqida des salafs et que ces gens-là ne sont pas des salafis. Donc c'est pour vous dire, souvent c'est comme ça, ils vont vous dire ah oui on travaille pour l'islam, on travaille pour ci et ça. Je dis comment ça se fait, vous établissez une jama'a, un groupe soi-disant, et vous choisissez un chef, pour cette jama'a et vous lui donnez une bay'a, un serment d'allégeance, alors qu'il y a déjà un dirigeant dans le pays, un musulman. Déjà, ça c'est une fourqa, ça c'est le manhaj des khawarij. Il y a une bay'a déjà pour un dirigeant. Toi tu viens dans ce pays-là, tu te fais un groupe, puis tu dis aux gens donnez-moi la bay'a à moi. Il essaie de me donner la choubha, que me dire, ah non, ça c'est comme prendre un amir dans un voyage. Quand tu voyages et que vous êtes trois personnes ou plus, choisissez un amir. Ça c'est leur choubha. Et ça, ça n'a rien à voir, ça c'est pour le voyage. C'est spécifique au voyage. Et en plus, tu ne fais pas une bay'a. Et puis c'est pas une assama en ta'af dans toute chose. Hein, c'est pour le voyage, c'est limité au voyage, c'est pour pas qu'il y ait des conflits, des désaccords inutiles. Hein, mais ça vous montre un peu le manhaj. Donc les bay'a qui sont donnés aux shuyukh soufis, hein, ou qui sont donnés aux chefs des jama'at, hein, tout ça c'est contraire à la sunna. Okay, et donc c'est pour vous dire que ça, ils suivent des manhaj qui sont opposés au Coran, opposés à la sunna. Et là ils me disaient, ah ça c'est les wahhabites, ça c'est les wahhabites. J'ai dit, c'est quoi les wahhabites? Dis-moi qu'est-ce qui est contraire au Coran et à la Sunna dans ce que Cheikh Mohammed bin Wahhab a dit. Et là, il ne connaît même pas. Et il continue à répéter, non, non, les Wahhabites, vous dites que tout le monde est à tort, sauf vous. J'ai dit, ramène, dis-moi qu'est-ce qu'on a fait de contraire au Coran et à la Sunna. C'est tout. Hein? J'ai dit, on n'est pas Wahhabites, on est Salafis. Et on suit la voix des Salafis. Il dit, on est tous Salafis. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est des exemples comme ça pour vous montrer que c'est pas tout le monde qui dit travailler pour l'islam qui travaille réellement sur l'islam. Tant que qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il dit n'est pas analysé selon la lumière du Coran et de la Sunna. Oui, les frères de Troy, les frères de Salafi Publications, les frères Salafi dans différents pays, en France, en Belgique, ailleurs, des frères qui ont besoin des fonds comme s'il y a des frères salafis au Sénégal, dans d'autres pays aussi, partout où il y a des frères qui ont besoin, il faut coopérer avec eux. Puis non, c'est pour dire, tout, il faut coopérer entre les gens qui aiment haq et qui veulent le haq. D'accord, c'est ça le point. D'accord. Donc si les autres ils disent on est musulmans, aidez-nous, pourquoi vous vous aidez juste entre vous, on va dire revenez à la sunna. Laissez tomber vos bid'ahs et on va vous aider. De la même façon qu'on aide les autres musulmans, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. Donc le Cheikh dit, « وفيه دليل على فضيلة مسجد قباء وفضل أهله رضوان الله عليهم وأن هذا المسجد بقي له الفضل في الإسلام إلى أن تقوم الساعة ويقصد للصلاة فيه ممن كان في المدينة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. » Donc le cheikh dit qu'il y a dans ce verset-là, « La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaq an taquma fih » ça montre le mérite, hein, de Mosquée Quba, hein, et le mérite des gens de cet endroit-là aussi, et que Allah est satisfait d'eux, et cette mosquée, son mérite dans l'islam, il dure jusqu'au jugement dernier. Cette mosquée aura toujours ce mérite-là jusqu'au jugement dernier, et les gens qui vont prier dedans, ils vont prier dedans pour ceux qui sont à Médine et qui vont prier dans cette mosquée-là, donc ils le font en suivant l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on a mentionné tout à l'heure. L'analogie avec le Zab. Ah, ok, oui, c'est vrai, t'as raison. Donc le cheikh il dit, donc ça prouve exactement. Pourquoi il a mentionné ce verset-là? C'est pour faire une analogie justement avec le fait de ne pas égorger un animal là où on adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou là où on égorgeait pour autre que Allah, ou là où il y avait une célébration des mouchriquins à cet endroit-là. Comme le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interdit de prier dans un endroit qui avait été établi ou préparé pour la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça prouve que on n'a pas le droit d'égorger pour Allah dans un endroit où on a égorgé pour autre que Allah dans le passé. Hein, de la même façon qu'on ne prie pas dans un endroit qui a été établi dans le but de faire le péché et le kufr. Et de même qu'on ne prie pas dans un endroit qui a été, on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit qui a été établi pour la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il mentionne le bienfait de la mosquée Quba. Donc j'avais oublié de traduire ce passage-là. Donc ça c'est pour ce qui est de la question de dégorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc selon Thabit ibn al-Dahhak, c'est le hadith qu'on a lu au début, al-Ashhali رضي الله عنه وهو صحابي جليل أن رجلا نظر النظر في اللغة هو الالتزام يقال نظر كذا إذا التزمه ونظر دم فلان بمعنى أنه التزم أن يقتله أما في الشرع فالنذر معناه إلزام المكلف نفس إلزام المكلف نفسه طاعة الله أو طاعة لله لم تجب عليه بأصل الشرع من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وغير ذلك. Le Cheikh il explique que le rapporteur de ce hadith, Thabit ibn al-Dahhak al-Ashhali, c'est un sahabi jalil. Okay? Et il dit qu'un homme a fait un vœu, nazara. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans la langue arabe, c'est al-iltizam, c'est-à-dire que tu t'obliges de faire quelque chose. Ok? Et si tu dis nafara dama fulan, c'est-à-dire tu t'es obligé, par exemple, ou tu as fait un vœu, une promesse du sang de quelque chose. Ça, c'est une traduction littérale d'un terme ou d'une expression en arabe qu'on dit nafara dama fulan. Ça veut dire que tu t'es disons obligé de tuer, tu t'es promis de tuer cette personne. C'est ça que ça veut dire en arabe. Ça c'est pour le sens linguistique. En ce qui concerne le sens de ce mot-là dans la religion, dans l'islam, ça veut dire que tu t'obliges de faire quelque chose qui est une obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça n'a pas été obligé par la charia elle-même. C'est toi-même qui t'oblige à le faire. Okay? C'est toi-même qui t'oblige à le faire alors que ça n'a pas été obligé par la charia. Donc, par exemple, une salat ou un jeûne ou un hajj ou une umra ou une sadaqa ou autre chose. Comme par exemple, tu vas te dire, si Allah me donne un fils, je vais jeûner pendant un mois. Ça, c'est un exemple d'un vœu que quelqu'un peut faire. Ou bien, tu dis par exemple, si je réussis mon examen à l'école, ben, je vais donner en sadaqa 100 $. Ok? Ça, c'est un exemple de nadr. Qu'est-ce qu'on appelle nadr? Tu t'obliges de faire quelque chose qui n'est pas obligé par la charia à la base. D'accord? Donc, c'est ça que, c'est de ça dont on parle dans ce hadith. C'est-à-dire, le cheikh dit, wa nadr fil asl ghayr mashru'. لا يستحب للإنسان أن ينظر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وفي رواية لا تنظروا بالنهي فإن النذر لا يأتي بخير فما دام الإنسان على الساعة فإنه لا ينبغي له أن ينظر ليكون في ساعة إن أراد أن يتعبد يأتي بالطاعة أتى بها وإلا فليست لازمة له ولكنه إذا نذر ورط نفسه ووجب عليه الوفاء بالنذر قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقال تعالى وليوفوا نذورهم وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وقال صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه. Donc le cheikh il explique qu'à la base un nadr, faire un nadr, faire un vœu d'obéissance, c'est pas quelque chose qui est recommandé par la charia. C'est pas quelque chose qui est recommandé par la charia. En fait c'est quelque chose qui est pas vraiment conseillé de faire dans la charia. le cheikh il dit parce que l'être humain a été, ou la personne, on a été interdit dans l'islam par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des vœux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit an-nadhr la ya'ti bi khayr, c'est-à-dire de faire des vœux, ça n'amène pas du bien. Et c'est uniquement un moyen qui est, par lequel on arrive à faire sortir quelque chose d'une personne avare. Hein, quelqu'un qui est avare, hein, il ne veut pas donner sadaqa, il ne veut pas faire des ibadat et tout, donc il s'oblige à le faire par ce genre de choses, par des vœux. Hein. Okay, il se dit, bon, ok, je veux y aller. Sinon, il pourrait donner sadaqa volontairement, ce n'est pas obligatoire pour lui, mais il le fait quand il veut. Mais c'est comme s'il se force à le faire parce qu'il est avare. Mais c'est juste pour dire que c'est dans ce sens-là. Hein. C'est comme, oh Dieu, donne-moi ça, si tu me donnes ça, je vais t'adorer. Hein. C'est ce genre d'attitude qui n'est pas l'attitude des vrais mu'minines. Après, qu'est-ce qu'il dit, lui? Dans une autre narration, c'est par la, sous la forme d'une interdiction, c'est-à-dire ne faites pas de vœux, parce que ça n'amène pas du bien. Et tant que l'être humain a, il y a un idulose, comme on dit, t'as une certaine liberté, parce qu'il n'y a rien qui, c'est pas obligatoire pour toi de faire telle ou telle adoration, alors tu ne dois pas faire de vœux comme ça pour te mettre des obligations sur ton dos. Celui qui veut adorer, qu'il adore et qu'il fasse cette obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, tant que ce n'est pas obligatoire pour lui. Mais une fois qu'il a fait son vœu et qu'il s'est embourbé dedans, ah ben, là c'est obligatoire pour lui de respecter ce vœu-là et cette promesse-là lorsque ça s'accomplit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux gens qui ont fait un vœu, une fois qu'ils l'ont fait, de respecter ce vœu-là. Hein, tant que ça n'implique pas, bien entendu, quelque chose de haram. Et il dit, comme par exemple dans le verset, « Yufuna bin nadri », ils respectent leurs vœux, et ils craignent un jour dont le mal sera avilissant, qui va envelopper tout le monde. Aussi, il mentionne un autre verset qui dit, « Yufuna bin wal yufuna dhurahum », c'est-à-dire qu'ils respectent leurs vœux et leurs promesses, ce qu'ils ont fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, et ce que vous avez donné comme nafaqa, ou peu importe quel vœu vous avez fait comme vœu, alors Allah est au courant, il le connaît. Hein? Ça c'est un autre verset. Donc, moi c'est des versets qui montrent que la personne qui a fait un vœu, il doit le respecter et l'accomplir. Ou dans un autre hadith, celui qui a fait un vœu qu'il allait obéir à Allah, alors qu'il l'accomplisse et qu'il l'obéisse. Et la suite du hadith, c'est-à-dire ce sahabi, Thabit ibn Dahhak, il avait fait un vœu dans la jahiliya, si je ne me trompe pas, qu'il allait égorger un chameau, hein, à un endroit qui s'appelle Bawana. Donc le cheikh il dit, An-Nahr ma'nahu dhabh al-ibn fi al-Nahr, wa huwa اللبة واللبة ويقال نحر البعير وذبح الشاة والبقر فالنحر خاص بالإبل أما الذبح فيكون لغير الإبل. Le cheikh il dit que النحر c'est la gorge et c'est quand tu égorges un chameau, tu le coupes, tu le piques dans la gorge, النحر, ça, tu l'égorges comme ça en le piquant dans la gorge, et c'est ça qui est utilisé pour le chameau, tandis que pour les autres animaux, on utilise le terme dabaha. Hein. Et donc, pour dire qu'il y a une distinction, ce terme nahr, c'est spécifique au chameau. Bouwana, c'est avec un dhamma, Bouwana, ismu mawdi'in bayna Makkah wal Madina, qila annahu qaribun min Makkah, inda al-Sa'diyya, allati hiya yalamlam, ميقات أهل اليمن وقيل إنه قريب من المدينة عند ينبع أو ينبع فالحاصل أنه اسم موضع بين مكة والمدينة شيخ الذيك بوانا c'est un endroit entre مكة et مدين. Il y en a qui disent que c'est proche de مكة dans un endroit qui s'appelle Saadiyya, et c'est-à-dire que c'est Yalamlam, c'est le ميقات, l'endroit à partir duquel les gens du Yémen font leur ihram quand ils vont à Umrah ou au Hajj, et d'autres ont dit que c'est près d'une ville qui s'appelle Yanbu en Arabie Saoudite, et peu importe, c'est entre Mecca et Al-Madinah. Le cheikh dit « Fata'al al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fihi دليل على الرجوع إلى أهل العلم وأن الإنسان لا يقدم على شيء في العبادات أو من العبادات حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع. الشيخ دي إلى demander au prophète صلى الله عليه وسلم avant d'aller faire son qu'est-ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Il avait dit avant que si telle ou telle chose arrive, il allait aller égorger ou sacrifier ce chameau à cet endroit-là. Et c'est arrivé. Donc il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander est-ce qu'il doit remplir ce vœu-là qu'il avait fait à cet endroit-là. Et donc le cheikh dit qu'il y a la preuve dans ça qu'on doit retourner au savant avant de faire quelque chose qui a rapport avec les adorations, pour être certain que cette chose-là, elle est vraiment légale et que c'est permis dans l'islam. Donc il dit, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد يعني هل كان في هذا المكان ببوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد يعني أزيل الآن وأزيل الآن. الشيخ الزي que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'à cet endroit-là, il y avait une idole parmi les idoles de la jahiliya qui était adorée? C'est-à-dire, est-ce qu'à cet endroit-là, il y a une idole de la jahiliya qui était adorée avant, puis que maintenant, elle a été enlevée? Et le cheikh il dit que, al-watan, kul ma'ubida min dunillah, min hajarin, ou min shajarin, ou suratin, ou qabrin, amma s-sanam, fa huwa khasun bima kana ala surah. Donc on a expliqué ça hier, c'est que al-wathan c'est tout ce qui est adoré, que ce soit une roche, un arbre, une image ou une tombe, mais en ce qui concerne l'idole, al-sanam, ça c'est spécifique à qu'est-ce qui a été sculpté dans une forme particulière humaine ou animale. Wal-jahiliya al-murad biha ma kana qabla l'islam, qad zalat bihamdillah bi-bi'athihi النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه إنك امرؤ فيك جاهلية، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي أمر من الجاهلية أو من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيء في بعض المسلمين. الشيخ الذكر il avait fait le sahabi avait fait ce vœu là, puis le prophète صلى الله عليه وسلم a dit est-ce qu'il y a une idole parmi les idoles qui étaient adorées à l'époque pré-islamique, avant l'islam, est-ce qu'il y avait une idole à cet endroit-là qui était adorée? Et le cheikh il dit que cette jahiliya, c'est-à-dire qu'est-ce qui était avant l'islam, cette période-là ou cet état-là, elle n'existe plus après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que notre époque ou une époque après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas la qualifier comme étant jahiliya ou une époque de jahiliya. Parce que la jahiliya, elle a été... comment on pourrait dire, elle a été éradiquée, elle a été enlevée avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a plus de jahiliya au sens absolu et complet du terme. Il y a seulement des parties ou des aspects de la jahiliya qui peuvent demeurer en certaines personnes. Toutefois, il n'y a plus de jahiliya générale. Ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit au sujet de certains de ses compagnons, par exemple, toi tu es une personne, tu as une jahiliya en toi. Comme par exemple un sahabi qui avait accusé un homme qui l'avait appelé par sa mère, en disant que sa mère est fils de la noire, Abu Dhar al-Ghifari. Je crois que c'était Bilal, oui. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sahabi-là, Abu Dhar, toi tu es une personne, tu as encore de la jahiliya en toi. D'accord? Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a quatre choses qui vont rester parmi les parmi mon peuple, parmi ma umma, qui font partie des choses de la jahiliya, le fait d'insulter les origines d'une personne, ou d'être fier pour nos origines, pour nos ancêtres, hein, de chercher la pluie, ou de croire que la pluie tombe à cause des étoiles, ou bien an-niyaha 'ala al-mayyit, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, tu commences à crier, puis commences à faire des hurlements, puis des complaintes, etc. وقد يبقى من أعمال الجاهلية شيء في بعض المسلمين. وسأسبق لك كم أسباب الجاهلية شيء شخصي مزلمة. أما الجاهلية العامة فقد زالت ببعثه صلى الله عليه وسلم. لا كما يقول بعض الكتاب جاهلية القرن العشرين أو الجاهلية الحديثة. فلا يجوز مثل هذا التعبير بما فيه من التعميم. فهذا فيه دليل على أن الصنم ولو زال وأن الوثن ولو زال من المكان أن هذا المكان يترك ولا يذبح فيه لأنه قال هل كان فيها يعني في الزمان الماضي فدل على أن مكان الوثن يجب أن يهجر قال تعالى والرجز فاهجر والرجز الأصنام وهجرها تركها وترك المكان الذي كانت فيه. الشيخ يزيد الجاهلية جنرال au sens général elle n'existe plus après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à ce que certains écrivains il veut dire ici Sayyid Qutb en particulier parce qu'il a un livre qui s'appelle Jahiliyatul Qarn al-Ishrin, la jahiliya du 20e siècle. Et ça, c'est une façon qu'il dit comme pour, ou bien la nouvelle jahiliya. C'est une façon qu'il généralise le mot jahiliya et l'applique, hein, en général sur le siècle en entier et sur la période dans laquelle on vit. Et ça, c'est pas permis de le faire parce que, comme on a dit, cette jahiliya-là, qui est absolue, et qui est général, elle a été annulée par la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en déclarant que le siècle est un siècle de jahiliya, ou une époque est une époque de jahiliya, c'est équivalent à faire une forme de takfir, de déclarer que les musulmans sont, que l'époque, à l'époque actuelle, on est une époque de jahiliya, comme avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comme on sait que Sayyid Qutb, il a fait le takfir, on a mentionné ça et expliqué ça dans les cours de Néon Khawarij, Tafsir al-Umma, dans les fatwas de l'ulama là-dessus, on a montré que Sayyid Qutb pour lui, tout, il n'y a plus de musulmans à notre époque, il n'y a plus de musulmans, tout le monde sont des koufars. Ouais. Donc, ça c'est les exemples. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh il dit, donc c'est pas permis d'utiliser ce terme-là de façon générale comme ça. Après, il dit, et également il y a une preuve dans ça, que si à un endroit il y avait une idole, puis qu'elle a été enlevée, elle a été détruite à cet endroit-là, mais malgré qu'elle a été détruite, on n'a plus le droit d'égorger ou de sacrifier un animal à cet endroit-là, même si elle n'est plus là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'il y avait à cet endroit-là? Et ça, c'est pour le passé, dans le passé. Est-ce qu'il y en avait dans le passé? Et donc, ça montre que si il y avait un endroit où il y avait une idole dans le passé, eh ben, il faut s'en écarter et éviter d'aller à cet endroit-là, et ne pas aller dans cet endroit-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 5, dans Surah Al-Muddathir, وَالْرُجْدَ فَهْجُرْ, c'est-à-dire, et écarte-toi des idoles. Et Al-Hajr, ça veut dire de l'abandonner, et d'abandonner l'endroit dans lequel elle était. Après le chef, il dit, ثم قال, فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد اسم لما يعود ويتكرر من الزمان أو المكان. فالعيد الزماني مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس فيه للعبادة مثل عرفة ومزدلفة ومنى. فهذه أعياد المسلمين المكانية والزمانية. الشيخ يقول le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé dans ce hadith, est-ce qu'il y avait à cet endroit-là un Eid, parmi les Eid, les Ayad des Mushrikines, c'est-à-dire qu'il y avait, est-ce que c'était un lieu où les Mushrikines se réunissaient à une certaine période ou à une certaine époque de l'année, Il y a des gens qui se réunissent comme ça pour fêter ou pour faire des célébrations ou des adorations à un moment spécifique de l'année à cet endroit-là. Donc, c'est ça le mot « Eid », c'est ça ce que ça veut dire, comme le cheikh explique, c'est qu'est-ce qui revient toujours, « Ya'oud ». « Eid », ça veut dire « Ya'oud », ça veut dire « il revient tout le temps ». C'est ça que ça veut dire en arabe, « Ya'oud ». Et « Yatakarrar », c'est ça se répète tout le temps, à chaque année, et ça peut être dans deux sens. Ça peut être dans un endroit, et ça peut être dans un espace de temps, ou dans un espace, un lieu. Dans un lieu ou dans un temps. Exact. Dans l'espace ou dans le temps. Donc, un Eid, ça peut être dans l'espace, dans un espace, et dans un temps. Ou les deux ensemble. Bon. Et donc, il donne des exemples des deux choses. L'Eid, al-Zamani, l'Eid dans le temps, c'est comme par exemple Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, c'est des moments dans lesquels on fait des fêtes. C'est deux fêtes qui sont les fêtes de l'islam, Eid al-Adha ou Eid al-Fitr et Eid al-Jumu'ah par exemple, ça c'est un exemple, ça a rapport avec le temps. Et pour l'endroit, comme par exemple lorsqu'on se réunit à Arafah ou à Muzdalifah ou à Mina, ça c'est des endroits où à chaque année on se réunit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie des lieux de rencontre et de réunion dans le temps et dans l'espace pour les musulmans. Donc après le cheikh qu'est-ce qu'il fait, il réunit les points importants dans ce hadith là qu'on peut extraire du hadith. Donc il mentionne le premier point, il dit wa shahidu min hadha al hadith lilbab في قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فهل كان فيها عيد من أعيادهم فدل على أنه لا يذبح لله في مكان كان في السابق يذبح فيه لغير الله لأن هذا وسيلة إلى الذبح لغير الله عز وجل كالصلاة عند القبر وكالدعاء عند القبر وكل الوسائل التي تفضي إلى الشرك ممنوعة كإسراج القبور نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة إلى الشرك والبناء على القبور نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة إلى الشرك وكل الوسائل التي تفضي إلى الشرك نهى عنها صلى الله عليه وسلم منها الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. الشيخ يتكلم premier point que dans ce hadith-là, le fait que le prophète a dit est-ce qu'on égorgeait ou est-ce qu'on sacrifiait à cet endroit-là, est-ce qu'il y avait avant l'islam ou auparavant une idole que les gens adoraient avant l'islam à cet endroit-là, donc ça prouve qu'on n'a pas le droit d'égorger pour Allah dans un endroit ou de sacrifier un animal pour Allah dans un endroit où dans le passé les gens sacrifié pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est quelque chose qui peut amener les gens à sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon que on n'a pas le droit de prier en direction d'une tombe, ou de prier ou de faire un dua auprès d'une tombe, parce que c'est des moyens qui peuvent amener les gens à tomber dans le shirk et donc c'est interdit. Ou de mettre des chandelles sur les tombes, ça aussi c'est interdit, et ça malheureusement ça se pratique dans les pays musulmans. De même qu'on n'a pas le droit non plus de faire une construction ou un bâtiment ou un mausolée ou quoi que ce soit au-dessus d'une tombe, et ça c'est quelque chose encore qui se pratique dans les pays musulmans, contrairement à ce qui a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est des moyens qui amènent les gens à tomber dans le shirk, et toute chose qui peut amener les gens à tomber dans le shirk, alors ça a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme exemple également, le fait de sacrifier pour Allah dans un endroit où dans le passé, où les gens sacrifiaient pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme pour une idole par exemple. Au final, le hadith يدل على مسائل في هذا الحديث فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة المسألة الأولى أن الذبح عبادة لا تجوز لغير الله premièrement que de sacrifier c'est une adoration sacrifier un animal c'est une adoration et on n'a pas le droit de le faire pour autre que pour Allah subhanahu wa ta'ala المسألة الثانية فيه مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم لأن هذا الرجل لم يقدم على تنفيذ النذر إلا بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم. deuxième point, il y a le fait que c'est légiféré par la charia qu'on doit retourner aux gens de savoir et aux gens de ilm avant de commencer à faire quelque chose qui a rapport avec l'adoration. Comme cet homme-là est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander avant d'exécuter son vœu ou sa promesse, qu'est-ce qu'il avait fait comme vœu, il a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement aujourd'hui, souvent les musulmans, ils posent seulement les questions aux ulama après avoir fait l'action. Et donc, ils tombent dans les problèmes et une fois qu'ils sont dedans, là ils demandent une fatwa pour s'en sortir. Alors que s'ils avaient fait des précautions, ben ils auraient demandé avant de commencer à faire la chose, puis ils auraient évité de tomber eux-mêmes dans le péché ou le problème. المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية تثبت المفتي من حال السائل ومقاصده قبل إصدار الفتوى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت قبل الفتوى وبعض الناس يتسرع في الفتوى مباشرة قبل أن يكمل السائل السؤال أو قبل أن يعرف مقصده الشيخ ذكر كم ثالثاً point que dans le hadith il y a la preuve que c'est légiféré de vérifier que la personne qui fait une fatwa, le mufti, il doit vérifier l'état de la personne qui questionne, qui pose la question au sujet de ses intentions avant de faire la fatwa, avant de révéler à cette personne le verdict de l'islam au sujet de la chose au sujet de laquelle il demande. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand cet homme-là est venu lui demander au sujet de son vœu, il a demandé par exemple est-ce que je dois exécuter mon vœu que j'avais fait, que j'allais sacrifier ce chameau-là à cet endroit-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu en disant oui tout de suite, ou non. Il lui a demandé de clarifier, est-ce qu'à cet endroit-là il y avait une idole dans le passé que les gens adoraient, ou est-ce qu'il y avait une fête ou une réunion annuelle où les gens venaient pour faire une célébration à cet endroit-là dans la Jahiliya. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaie de clarifier pour voir qu'est-ce qui est derrière la pensée ou l'idée de cette personne-là, avant de juste lui dire vas-y ou ne le fais pas ou fais-le. Donc ça montre que le mufti, quand quelqu'un aujourd'hui demande une question à un alim, sujet de quelque chose, c'est bon qu'il ne se presse pas de répondre à cette question-là tout de suite, pour essayer de découvrir puis de poser des questions à cette personne pour essayer de voir qu'est-ce qu'elle a derrière la tête, et qu'est-ce qu'elle veut vraiment cette personne-là. Parce que des fois tu ne poses pas de questions et les gens ils te posent une question, ils te demandent quelque chose et ils te posent la question d'une façon vraiment des fois vague pour que tu lui répondes d'une façon qui va lui permettre de faire ce qu'il veut ou de suivre sa passion. Et quand tu lui demandes de détailler un peu plus, et bien ça fait en sorte que tu vas être capable de découvrir réellement qu'est-ce qu'il a derrière la tête, et parfois ça peut t'aider à donner un meilleur verdict, c'est-à-dire un verdict qui est plus près de la vérité. D'accord? Donc, le chef il donne ce point-là comme mas'ala pour dire que c'est une des choses qu'on peut extraire de ce hadith. Quatrième point, وهي الشاهد للباب أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأن هذا من وسائل الشرك. Quatrième point, c'est ça qu'on veut en fait prouver par ce chapitre, c'est qu'on n'a pas le droit de sacrifier pour Allah dans un endroit où on égorgeait pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, où on sacrifiait pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ça fait partie des moyens ou des choses qui peuvent amener quelqu'un à tomber dans le shirk. المسألة الخامسة فيه خطورة الذبح لغير الله لأنه إذا كان لا يذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله فكيف بالذبح لغير الله يعني الشيخ الزيسان ومعوخ en même temps comme cinquième point le danger de sacrifier pour autre qu'Allah parce que si on n'a pas le droit d'égorger pour Allah dans un endroit où les gens égorgeaient pour autre qu'Allah alors qu'est-ce qu'on peut dire de celui qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? T'as pas le droit d'égorger pour Allah dans un endroit où les gens le faisaient pour autre qu'Allah. Imagine pour celui qui, imagine comment ça peut être grave dans ce cas-là, celui qui égorge directement pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Donc ça nous montre la gravité de ça et que c'est shirk. المسألة السادسة فيه وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. Sixièmement, il y a le point que c'est obligatoire d'accomplir ou de respecter notre vœu lorsqu'on a fait un vœu qui est pieux et qui implique une adoration, on doit le faire. Hein. Par exemple, si par exemple je vais avoir un enfant ou si je vais avoir telle ou telle chose, je vais donner comme sadaqa telle somme d'argent. Et ça, si ça t'accomplit, t'es obligé de le faire. C'est déconseillé en partant à la base, c'est déconseillé de faire ce genre de vœu-là. Toutefois, une fois que tu l'as fait, si ça t'accomplit et que ça implique pas une désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors t'es obligé de le respecter par la suite. D'accord? Donc c'est ça. Al-mas'alatu as-sabi'a fihi anna an-nadhra إذا كان نذر معصية أو أنه لا يجوز الوفاء به أو في شيء لا يملكه النادر فإنه لا يلزمه وإنما اختلف العلماء هل عليه كفارة يمين أو لا وعلى قولين أرجحهما ليس عليه شيء لشيخ التي comme sixième point, que si quelqu'un a fait un vœu, mais que dans son vœu, il a impliqué qu'il allait faire un péché, alors dans ce cas-là, il ne doit pas le mettre en exécution. Comme par exemple, quelqu'un dit, si cette personne-là fait telle chose, si par exemple telle chose arrive, alors je vais par exemple aller le battre ou le frapper. Si Allah fait que telle chose se produit, je vais aller par exemple tuer telle personne. Ça c'est un péché, t'as pas le droit de tuer, c'est haram. Donc t'as pas le droit de le mettre en exécution, de ce vœu-là. Ok? Ou n'importe quelle chose qui a rapport avec un péché. Il y a des gens, parfois ils font un vœu de ce genre, et ça implique de faire quelque chose de haram. Mais si par exemple Allah fait que telle chose se produit, je ne veux plus parler avec tel ou tel membre de ma famille, ou je ne vais plus faire telle chose, tu n'as pas le droit de le mettre en éducation, parce que ça implique de couper les liens de parenté, et ça c'est haram. Donc ça c'est des exemples. Les ulama, ils ont seulement divergé, ou bien par exemple si tu as fait un vœu à propos de quelque chose que tu ne possèdes pas, c'est pas toi le propriétaire, ça appartient à quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit de le mettre en exécution parce que ça ne t'appartient pas. Mais les ulama ont divergé sur cette question-là, seulement sur le point de est-ce qu'il doit faire quelque chose, il y a quelque chose qui est obligatoire pour la personne qui a fait ce genre de vœu-là, qui implique un péché, est-ce qu'il doit faire quelque chose pour les expier ce péché-là, cette chose-là ou non, soit par exemple nourrir un homme de pauvre ou bien jeûner un nombre de jours, comme c'est mentionné dans le verset. Et le cheikh il dit que la plus correcte des deux opinions, c'est qu'il n'a rien à faire, il n'a rien à donner comme expiation, c'est juste qu'il ne doit pas le faire. Et le sixième point, non le huitième point, المسألة الثامنة في الحديث دليل على تحريم نذر المعصية كما نذر أن يقتل فلانا أو نذر الذبح لغير الله وفيه دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية. Donc c'est exactement comme l'autre point, que c'est la preuve que si c'est un vœu qui implique de faire un péché, comme par exemple un vœu de que si telle chose arrive, je vais tuer telle personne, ça c'est interdit de le respecter, de l'appliquer, ou d'aller par exemple sacrifier à tel ou tel endroit où les gens, ou de sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou à tel endroit où les gens sacrifiaient pour autre que Allah, dans ce cas-là c'est pas permis. Donc ça prouve que si tu as fait ce genre de vœu-là, tu ne dois pas le mettre en application. Puis donc ça termine ce chapitre. Et la semaine prochaine, inshallah, le prochain chapitre, c'est le chapitre 12, et c'est Babu min al-shirk al-nadru li ghayrillah. Là, ça va être un chapitre qui parle uniquement du principe de nadr, c'est-à-dire de s'obliger à faire quelque chose qui n'est pas obligatoire dans la charia, comme on a dit tout à l'heure, mais tu te l'obliges par toi-même, à cause d'un vœu que tu fais ou d'une promesse que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va voir que de faire une promesse à autre que Allah, pour ce genre de vœux-là, ça rentre dans le shirk. Comme par exemple, qu'est-ce que des gens font à la tombe d'un wali ou d'un sayyid, ils disent, si tu guéris un malade ou si tu me donnes un enfant ou quelque chose de ce genre, je vais venir égorger l'année prochaine un animal pour toi. Comme certaines personnes font dans les pays musulmans. Donc on s'arrête ici, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.